bientôt je m'arrache au state, cousin, le rap français c'est trop mort. Je me pose sur la prod comme Jésus marchait sur la flotte. Les ignorants me donnent perdant, mais bien entendu que je les fuck. Je suis beaucoup plus qu'un artiste, je suis ce qu'on appelle un personnage. Que je bicrave de la drogue ou des disques, j'aurai ton oseille et ton âme. Mais dites-moi qui vous teste, amenez-moi ce chien que je la bats. Mon rap est tourné vers les mecs de test comme les flingues de la BAC. Autour de moi j'ai des fils de tempu, des teutres et en puissance. Je les laisse croire que je les ai pas vus, j'ai le gratron sur mes finances. Le rap c'est devenu casse-pipe à enfourquer sur le marché. Même si ça folle, mais confondent entre s'ouvrir et écarter. Mais bref, je crois qu'il est temps pour l'esclave de passer maître. Dans les bureaux de maison de scud, j'ai pas vu de noir, mais que t'es nègre. Lâche-toi ton mec pour un type de ma trempe où tu vas souffrir. Mon cœur est déjà pris, je n'aurai qu'une nuit d'hôtel à t'offrir. Qu'importe que je sois un bon gars ou pas, tant que je fais du bon son, je garde un œil sur mes contrats. Mon fric, ma femme et mon fion. Ne te trompe pas de combat ou tu te tromperas de victoire. Y'a ceux qui racontent des stories et ceux qui font l'histoire. Yeah. Fais ce que tu sais faire de mieux, bavé sur ma team. Yeah. Tu cours après le game, nous on vole après les lobbies. C'est bien parabé l'homme corps qui te traumatise. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Yeah. Fais ce que tu sais faire de mieux, bavé sur ma team. Tu cours après le game, nous on vole après les lobbies. Yeah. C'est bien parabé l'homme corps qui te traumatise. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Laissez-moi peser ou laissez-moi crever. Quand je serai sur mon lit de mort, qui viendra pleurer à mon chevet. Ils ne peuvent pas me servir. Donc ils préfèrent diffamer. Ils ne peuvent pas me capter. Ils préfèrent se dire que je suis camé. Je peux te faire danser les raclos. Les plus costauds comme dans une boîte gay. Je bosse avec le beatmaker plus mystérieux du rap game. Je veux le beef à Birdman. Je serai refait même si je n'en ramasse que le cas. Le respect ne s'achète pas, mais pour le reste j'ai un Mastercard. Je suis pas venu prêcher comme un Starbucks. Je veux juste tirer mon bise, générer du beef comme secteur A. Je serais peut-être amené à prêcher. J'ignore ce que le ciel m'a prescrit. Mais Dieu est grand, il veillera sur ton fils. Maman ne pleure pas. Tu crois que j'arrive par chance? T'as fumé plus que du chanvre. J'fous la merde comme un coup de fusil en pleine galerie marchande. Jeune homme recherche top modèle, pas pour faire un boy de love, mais pour en faire sa loose beau comme dans Never Die Alone. Qu'importe que je sois un bon gars ou pas, tant que j'fais du bon son, j'garde un œil sur mes contrats. Mon fric, ma femme et mon fion. Ne te trompe pas de combat ou tu te tromperas de victoire. Y'a ceux qui racontent des stories et ceux qui font l'histoire. Yeah. Fais ce que tu sais faire de mieux, bavé sur ma team. Yeah. Tu cours après le game, nous on vole après les lobbies. C'est bien parabé l'homme corps qui te traumatise. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Yeah. Fais ce que tu sais faire de mieux, bavé sur ma team. Tu cours après le game, nous on vole après les lobbies. Yeah. C'est bien parabé l'homme corps qui te traumatise. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Yeah. Fais ce que tu sais faire de mieux, bavé sur ma team. Tu cours après le game, nous on vole après les lobbies. C'est bien parabé l'homme corps qui te traumatise. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. C'est ce que tu sais faire de mieux, bavé sur ma team. Tu cours après le game, nous on vole après les lovés. C'est bien parabé l'homme corps qui te traumatise. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Les vrais savent qui sont les vrais, qui sont les mauvais. Fuck le reste, c'est nous les best. Ok, tous c'est la famille. Parabé l'homme corps pour ancien 45 000. Soit t'es un homme, soit t'es une pomme. Ouais. Ils me regardent comme si j'avais fourré leur petite sœur. J'crois que j'ai dû toucher leur petit cœur. Parlez. C'est ça qu'on aime. Rah. Non, la preuve, j'porte des marques de couturier gay d'Italie. Cœur de communiste, mais un petit capitaliste. Homophobe, non, la preuve, j'porte des marques de couturier gay d'Italie. Cœur de communiste, mais un petit capitaliste. Homophobe, non, la preuve, j'porte des marques de couturier gay d'Italie. Cœur de communiste, mais un petit capitaliste. Homophobe, non, la preuve, j'porte des marques de couturier gay d'Italie.